Mickey, à quoi pensiez-vous, gros dégueulasse? À ma mère, elle les a payés 15 000 francs à l'époque. C'est un couple de Suisses qui ont fabriqué ce fameux Ung Tram et ils ont été victimes de leur succès. Aujourd'hui, ils n'en vendent plus à personne. Et si tu en veux un, il faut envoyer un curriculum vitae avec une lettre de motivation et tu n'es pas sûr de l'avoir. Le pire, c'est que dans leur contrat, ils ont écrit une charte que si tu achètes le Ung Tram, Eh ben, tu n'as pas le droit de le revendre. Complètement tard, ça. Et il avoisine environ 4000 euros, je crois. Bah ouais, bien sûr. Je me suis fait voler parce que je n'aime que jouer ces trois notes-là. Ah oui, oui, c'est un brevet déposé, absolument. En copyright. Mais effectivement, il n'a pas le même son. Le son du Ung, le vrai, il est vraiment extraordinaire. Par contre, le gars qui m'a fabriqué celui-là est en train de travailler dessus parce qu'il a, retrouvé les mêmes sons. Et donc, il est un peu plus cher. J'aurai le hang avec le vrai son. Et sur le cas, parce que là je peux pas trop taper avec les mains. Si je tape avec les mains, en fait j'ai pas encore le... Et l'autre c'est vraiment le... T'as pas à y toucher avec quoi autre que tes doigts, quoi. Alors, je m'en bats. Comment ça, je suis malade? Je suis malade, complètement malade. Bah, celui que j'ai, en fait, bah, tu vois les grosses bonbonnes de gaz bleues. En fait, il est fait avec le top et le fond. Et ça a été soudé ensemble. Et sa femme, c'est elle qui fait les gravures. Ouais, il doit faire dans les 3 kilos. 3, 4, je crois. Faudrait que je le pèse. À les notes creusées. Non, ça marche pas avec les baguettes. Écoute. Thank you. Phil Booth. Aller brouter la pelouse. Don't eat too much cheese. Comment tu le sais? Bon, ok, let's play something. Because. J'ai même jamais vu qu'il y avait marqué Karma. Yeah. Kermit en forme de... Karma, give us some chords. Je suis sûre que tu as un truc. Ah ouais, les Muppets, c'est super. Non, c'est dommage qu'ils ne les passent plus. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Cet humour anglais, là. C'est excellent. We'll be right back. We'll be right back.